Tu finis? Oui, la période des questions fut courte et brève. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les amener en avant. Savais-tu que le grand sage, un grand sage intraterrestre, a dit un jour à son fils, « Le chemin le plus court est souvent le moins long. » Il est assez âgé. Il faudrait que le monde y suive le chemin le plus court. Il a passé longtemps. Oh, ça. Il a dû essayer souvent. Dans La Cité de Seth, qui est le meilleur roman d'histoire que j'ai lu. Ah, peut-être qu'il n'a pas lu beaucoup. Plusieurs points m'intriguent. Entre autres, tu dis que l'on doit sécréter en sens inverse de ce que l'on vise, alors que ce livre me fait sécréter exactement vers un avenir que je vise. Pourquoi? Pour la simple raison que ce livre s'adresse à une partie de l'astral de l'humanité qui, elle, n'est pas encore suffisamment solaire et qui peut donc se permettre de sécréter dans un sens tout en cristallisant cet avenir. Voilà. Puis comme il y a plus de personnes ou il y a plus de chances que ça soit sécrété dans l'astral, dans plus dans grande quantité... Dans le bon sens, que... donc, feu. Okay. Est-ce qu'à partir d'un certain moment, dans le futur, il va falloir que ça soit inversé? Faudrait que tu écrives un autre Cité de Sept plus noir. Oh, il y en a plein qui s'amusent à écrire des conneries. Il y en a qui l'ont écrit. Ouais, ouais. Il y a aussi les dates. Pourquoi avoir choisi des dates si près de nous qui risquent d'empêcher une diffusion à long terme de ce livre? Par exemple? C'est déjà prévu que quand on va rééditer, bon, on va changer les dates, hein, puis d'année en année, on va ajuster les dates, il n'y a pas de problème. Par exemple, 1984 fut publié dans les années 50 et 2001 dans les années 60, ce qui laissait plusieurs années au livre pour se faire connaître. Oui, mais ce sont pas ces dates encore pour plusieurs. Mais je m'en fais pas, surtout que le livre se termine en l'an 2247. Ben, pas celui-là, mais la suite. Parce que le tome 1 devait avoir 1000 pages. Finalement, c'est trop épais. Alors, on l'a coupé en deux. Alors, donc, l'histoire commence. Donc, à un moment donné, présentement, elle commence dans un avenir rapproché. Et dans quelques années, il va commencer dans un passé rapproché pour se terminer dans un avenir, ce qui va faire en sorte que ça va expliquer aux gens les choses qui se passent présentement, en expliquant les choses qui peuvent arriver. Il n'y a pas de problème au niveau des dates, c'était fait pour. Est-ce que des découvertes comme le 714X du Dr Nassens ou le Vitalium du Dr Bontemps font partie d'une nouvelle génération de médicaments appelés à révolutionner la médecine comme Pasteur en son temps? Oui, oui, absolument, parce que ce sont des médicaments qui fonctionnent surtout au niveau de l'énergie vitale, plus qu'au niveau du corps physique. Donc, ça demande premièrement du patient certaines qualités psychologiques. Ces médicaments-là ne pourraient pas guérir des individus qui sont génétiquement et psychologiquement, donc évolutionnairement parlant, rétrograde de 3, 4, 5 ou 600 ans. Ces médicaments ne pouvaient donc être découverts avant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient totalement inopérationnels. Et ces médicaments, il y en a d'autres aussi qui ne sont pas encore diffusés et qui, ces médicaments s'adressent, vont travailler surtout au niveau du plan vital. Et pour que cela se fasse, ça demande certains mouvements des barrières de l'astral, donc du périsprit de l'âme. Et ça peut donner des guérisons qui sont fortement intéressantes parce que ce sont des médicaments qui se rapprochent du processus du miracle. Ce ne sont pas des médicaments miraculeux, il faut faire attention. Quand je parle du processus du miracle, je répète que miracle, c'est toujours quelque chose qui arrive que l'humain traditionnel ne peut pas expliquer. Il appelle ça un miracle. Ou il appelle ça, c'est impossible, bon, un ou l'autre. Et ces médicaments-là sont des médicaments qui, effectivement, procèdent d'une physique, d'une chimie nouvelle et qui procède aussi d'une vision de la maladie comme de la santé qui est aussi neuve. J'aimerais que tu aies d'abord sur ce sujet, invention révolutionnaire ou charlatanisme? Non, ce n'est pas du charlatanisme. Il y a eu énormément de découvertes révolutionnaires, que ce soit le magnétisme, que ce soit l'acupuncture. L'acupuncture a été découverte dans des pays où on étudiait les êtres vivants, alors qu'en Occident, on disséquait les cadavres. L'acupuncture parle de l'énergie vitale yin et yang. Sur un cadavre, il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas d'énergie vitale, donc il n'y a pas de méridien en opération. Donc, impossibilité de découvrir. Mais l'acupuncture, elle fait partie... À un moment donné, l'homme, l'humain, aura la capacité d'avoir des médicaments qui, justement, seront extrêmement efficaces en termes de temps. Ils vont guérir. Ce n'est pas du charlatanisme. Et je reviens encore sur certaines choses. De temps en temps, il y a des médecins qui vont dire, vous avez été guéri par un charlatan. Docteur Charles Attin, même s'il m'a guéri, ça ne me dérange pas, L'important, c'est que je sois guéri. Et même ça, c'est refusé au niveau de plusieurs médecines, pas de tous les médecins, mais de la médecine traditionnelle, où on va considérer que les maladies psychosomatiques sont importantes, mais les guérisons psychosomatiques, ça, c'est une farce de l'illusion. Bon, effectivement. À un moment donné, on est recherché ce qu'on a besoin pour être en santé. Ça fait même que les gens qui découvrent des médicaments comme ça ne parlent pas de guérison, mais disent que ceux qui l'ont eu se portent mieux. Ah oui, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont guéri. Quand j'étais ambulancier, on ne pouvait pas poser le diagnostic. Alors, c'est déjà arrivé où j'ai entendu sur les ondes une personne qui disait que, dites au médecin de s'en venir ordinaire, la personne est morte. Un accident d'automobile. Puis là-bas, le répartiteur lui a dit, « Monsieur, commencez les manœuvres de réanimation, vous ne pouvez pas décider qu'il est mort. » Fait que là, il a dit, « Bien, pas de problème, dès qu'on va avoir trouvé la tête, on va commencer. Bon. » Mais effectivement, tu peux pas, tu connais rien. Alors, c'est ça. Et donc, on parle de guérison. Savez-vous comment c'est l'illusion? Et c'est une problématique. On ne peut pas critiquer, on doit l'observer, en rire un peu, puis après ça, changer. Il y a une loi fédérale, il y a une loi provinciale. Une des lois dit que nul ne peut pratiquer des actes médicaux sans être médecin, disons, si je résume. L'autre dit que... est criminellement responsable une personne qui ne porte pas secours à quelqu'un en difficulté au maximum de ses connaissances. Alors, tu as appris certaines choses, bien, si tu t'en sers pas, tu es coupable, et si tu t'en sers, tu es coupable. Frapper d'un côté ou de l'autre. Bien, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges pas à être là. Tu évites les lieux. Tu l'évites des lieux. La cité écologique dont le ministre Dutille est membre est-elle dominée par les intraterrestres? Ben là, le ministre Dutille est membre. On va quand même pas trop parler. Non, la cité écologique du Verseau, qui est reliée à d'autres cités similaires un peu partout sur la planète, entre autres, ça appartient à ce qu'on appelle la Fraternité Blanche. Et il n'y a pas de mécanique intraterrestre extrêmement présente là. C'est évident que quand on parle d'intraterrestre, pour les personnes qui n'accessent pas souvent mes conférences, ça fait toujours un peu bizarre. On ne parle pas des vers de terre, on parle de mécaniques apparemment intelligentes et humanoïdes, du moins, qui vivent sous terre. On en a des effets réguliers. La majorité de tout ce qui a été décodé comme extraterrestre, souvent, sont des intraterrestres qui sont venus là. Ce sont des antiques extraterrestres qui datent, qui sont là depuis longtemps. Alors, ils se mêlent de tout, surtout en ce qui concerne les systèmes d'industrie. Mais la majorité de tous les processus écologiques ne sont pas dirigés par les intraterrestres. La majorité. Pas tous, mais la majorité. Alors que tout ce qui permet la pollution de l'air, le réchauffement de l'atmosphère, est souvent sous régie intraterrestre, parce que ces personnages-là ont besoin d'une chaleur particulière pour vivre. Ils ont besoin d'un air de l'atmosphère. Ils sont habitués génétiquement à ce qui se vit sous la Terre. Donc, les volcans, ça émet énormément de carbone. Ça émet des anhydrides sulfureux, des anhydrides nitreux. Notre pollution majeure qui crée les pluies acides est justement une pollution d'anhydride sulfureux nitreux. Ils ont besoin de chaleur, donc on parle ou d'effet de serre avec le gaz carbonique. Nécessairement, ils manipuleront aussi les industries pour qu'ils recouvrent la planète Terre de carbone. Alors, les rayons solaires traversent facilement ces couches-là, mais transformés en infrarouge sur la planète Terre, donc en chaleur, ils ne ressortent plus, créant l'effet de serre. Et il y a plusieurs choses comme ça sur lesquelles on peut passer, là, mais disons, dans la cité de Sète, pas dans la cité écologique, mais dans la cité de Sète, on en parle assez de mécanique intraterrestre. Lorsque l'homme mentalise, est-ce qu'à ce moment, il réincarne du futur? Si oui, explique. Sinon, explique pas. C'est ce que j'avais compris. Il y a trois formes de mentalisation. Une qui est totalement rétrograde, une qui allie les deux, et une qui est totalement d'avant-garde, qui nous permet d'avancer. La mentalisation, c'est un processus du mental. Le mental, c'est un intellect qui n'est plus asservi par l'ego. L'être humain vit émotivement. À un moment donné, à force de vivre des désillusions, de se casser la gueule, d'avoir des souffrances, il finit par essayer d'échapper à la douleur et à la souffrance. Il commence à intellectualiser. L'intellectualisation, c'est extraordinairement bon, mais une personne peut rester finalement prise dans l'intellectualisation, et là, elle ne peut plus rien faire. Elle intellectualise toujours. Mais ceux qui intellectualisent sont rarement dépressifs. Par contre, ils peut-être ne s'amusent plus et ils s'interdisent à peu près tout ce qui est neuf. Tout ce qui ne fait pas partie d'une apparence de logique à travers les mémoires qu'ils ont, on refuse. Alors que celui qui est émotif, qui n'est pas intellectuel, sera plus facilement capable d'accepter l'intuition. L'intellect grandissant finit par se détacher des manipulations de la psychologie, donc de la mémoire, et on appellera cela le mental. Le mental, c'est quelque chose de phénoménal, qui est extrêmement utile, parce que c'est la seule partie de l'humain qui peut entrer en contact avec l'intelligence supramentale, l'intelligence active, une intelligence qui permet à l'humain de savoir des choses qui ne sont pas tributaires de votre mémoire. Intelligence active en ce sens qu'elle ne dépend pas de la mémoire de l'homme. L'intellect est une intelligence passive qui ne peut s'exprimer qu'en fonction de la mémoire. Vous ne pouvez pas, dans l'intelligence passive, connaître ou parler de choses que vous n'avez pas en mémoire avant. Alors que l'intelligence active, le phénomène supramental, permet à l'humain de savoir une chose lorsque c'est nécessaire qu'il le sache, même s'il ne l'a pas apprise au préalable. La majorité des inventions scientifiques et toute une grande partie du phénomène évolutif de nos humanités provient de l'intelligence active. Quand je dis souvent que dans les pays sous-développés, on a des indigènes qui se servent de plantes sauvages pour se guérir de certaines maladies, et ils n'ont pas goûté à toutes les plantes, que 80% des plantes sont toxiques, ils devaient être malades, ils devaient par intuition finir par trouver que et penser que, l'essayer, ça fonctionnait. Et nos savants vont aller étudier ces plantes, ils vont étudier les indigènes, ils vont étudier ce que les indigènes font, ils vont ramener les plantes médicinales de ces indigènes, ils vont les réétudier en laboratoire, et par la suite, ils vont découvrir le principe actif de la plante, et ils vont maintenant l'enseigner dans les écoles, interdisant aux indigènes de s'en servir parce qu'ils ne sont plus médecins. Bon. Et les indigènes devront aller dans les universités apprendre ce qu'ils ont montré aux savants. L'intelligence active, c'est la capacité qu'a un humain d'apprendre sur le tas. L'intellectuance, l'intelligence passive, c'est la capacité qu'a un humain de se rappeler ce qu'il a appris. La mentalisation, c'est lorsque on se sert de nos mémoires et on les additionne d'une façon logique, mais d'une puissance logicité. À quoi ça me sert de rire? Je vais mourir quand même. À quoi ça me sert de broyer? Je vais mourir quand même. La mentalisation court-circuite la pensée de l'homme. Le court-circuitage a une problématique, c'est que si l'humain n'a pas suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée, c'est une mécanique d'intelligence qui va ajuster chez lui sa mentalisation et sa parole, donc sa pensée. S'il n'a pas suffisamment de contact avec cela, ce qui va arriver, c'est qu'il va nécessairement se court-circuiter. Et comme l'ego va vivre le court-circuitage, l'ego ira en dépression. Il ne peut plus se nourrir d'espoir et de foi. C'est totalement anéanti par la mentalisation. La mentalisation, la troisième partie, la mentalisation à caractère supramental, elle accepte le neuf, elle accepte l'intuition. Mais elle va filtrer l'intuition pour qu'on ne soit pas continuellement manipulé par une intuition émotive, c'est-à-dire une intuition colorée, une intuition astrale, et pour qu'on puisse commencer à être dans un chemin dirigé par de l'intuition supramentale. Autrement dit, est-ce que j'ai les bons chiffres de la loterie? Il semble que oui, mais tu veux tellement gagner que ton intuition, elle est faussée. Alors, tu tireras ce que tu voudras. Est-ce que je dois faire ça? Et par exemple, la cité écologique du Verseau, il me semble que je devrais rentrer là-dedans. Tu utopises des choses, tu donnes une vision du monde d'un paradis qui existe quelque part, il suffira de le planétariser à un moment donné, ou d'y aller. Mais à un moment donné, chaque fois qu'on a une forme de publicité, mon intuition me dit que c'est eux autres, c'est là. La mentalisation de troisième ordre, donc la troisième partie, la troisième forme de mentalisation, va filtrer. Et là, on va dire, oui, mais c'est probablement parce que tu veux ça. Alors, on commence par aller voir, puis quand on va aller voir, on va mentaliser sans détruire, sans être dépressif, puis on va découvrir que, non, il donne des douches au froid aux enfants, quand les enfants ne veulent pas écouter, on est rétrograde. En plus, finalement, on exploite totalement l'enfance dans le travail d'agriculture, alors qu'on devrait servir des machines. Il n'y a pas une plante qui pousse moins bien, c'est un bras de métal qui est planté le grain. Bon, mais on va déconsidérer que c'est l'humain qui doit planter. Alors, la mentalisation, on ne dit pas que c'est mauvais, mais la mentalisation va dire, non, je ne rentre pas là, ce n'est pas ce que je veux. L'autre mentalisation va tout détruire, et on aura la mentalisation négative, qui est finalement de l'intellectualisme. Lorsque l'homme mentalise, est-ce qu'il se réincarne du futur? Pas nécessairement. Mais la mentalisation de troisième ordre, celle qui accepte le contact supramental, acceptera donc l'intuition et sera cartésienne quand même. Et cette intuition pourra donc nécessairement recueillir des mémoires de l'avenir, donc réincarner. Et elle mentalisera, enfin, à partir des mémoires du futur, des mémoires du passé, de la mémoire de l'expérience qu'on appelle la mémoire de l'instantané. Mais ce n'est pas réincarner du futur que de mentaliser. On pourra mentaliser à partir de cela, comme on peut le faire à partir de d'autres choses. Qu'est-ce que la réincarnation? C'est une mécanique qui nous permet de bien dormir la nuit, sachant que si on meurt, puis qu'on se réveille mort le lendemain matin, bien qu'on va peut-être revenir. À part de ça? C'est une croyance. Est-ce que c'est une croyance, un concept, un principe? Ben, c'est tout des concepts. Ben oui, c'est une croyance qui est vraie. Attirer ceux qui ont la foi. La réincarnation, c'est médicalement prouvable, physiquement prouvable, moléculairement prouvable pour certains points. L'enfant, il est la réincarnation physique de ses parents, mais il est la réincarnation physique de ses lignées familiales, donc de, à aujourd'hui, approximativement 30 millions d'individus. Et c'est un peu long à expliquer comme ça ici en conférence régulière. C'est une mécanique sur laquelle on revient souvent au niveau du séminaire sur quelques heures, parce qu'il y a énormément de choses. Ce que l'on connaît de la réincarnation traditionnellement, c'est une partie de la vérité, donc de la réalité, mais il en manque un grand bout. Alors, la réincarnation, elle est normalement pluralitaire, c'est-à-dire que vous réincarnez non pas un individu, mais un paquet de mémoires d'individus. On réincarne 24 heures sur 24 tout au long de sa vie. On réincarne. Réincarner veut dire replacer dans le carne, viande, donc disons corps, pour être moins... Alors réincarner, c'est de replacer dans la viande de la mémoire. Bon, c'est réincarner. Résurrection veut dire susciter de nouveau, susciter la viande, ramener à la vie. Bon. Alors, on aura la mécanique résurrectionnelle ou réincarnationnelle. Les deux sont des mécaniques qui sont réelles. La seule chose qu'il y a, c'est que l'être humain doit vivre avec les deux mécaniques. Il doit on parle de concept, conceptualiser les choses. Un concept, c'est une croyance mentale. L'avantage du concept sur la croyance, c'est que souvent une croyance, on s'y attache émotivement. Alors, si un jour, on pourrait rectifier la croyance, on ne veut pas. La foi, c'est l'attachement inconsidéré, exagéré à une croyance. La foi est donc aveugle. Le concept, par contre, c'est aussi une forme de croyance qui provient du mental, et le concept, on pourra nécessairement régulièrement le rectifier, parce qu'on n'y attachera pas d'importance affective. À la réincarnation, est-ce que ça existe? Moi, je réincarne suffisamment de mémoire du passé. Je peux fouiller dans mes mémoires, je peux fouiller dans les mémoires de quelqu'un, je peux savoir ce qu'il réincarne, je peux m'amuser comme je veux. Donc, je peux considérer que je sais que la réincarnation existe, je n'y crois pas. Quelqu'un me dirait, oui, mais si un jour tout ça faisait partie du mensonge cosmique, ben, je rirais avec vous, c'est tout, je n'ai rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je n'y attache pas d'importance réelle. Donc, on peut jaser avec un individu de certaines choses, et puis on s'en balance. Mais en réalité, c'est faux. On ne s'en fout pas, mais on en est détaché. Alors, il y a une nuance. Alors, la réincarnation, donc, c'est la capacité qu'a la mémoire de reprendre le corps. Mais l'être humain, il est de la mémoire. L'être humain, ah, mot, t'as dit qu'elle agit donc comme sa mère ou comme son père, ou que c'est comme sa grand-mère, etc. On réincarne de la mémoire. Nous sommes pluriconstitués. L'adolescence, pourquoi est-ce si pénible? L'enfant devient adulte physiquement. Réincarnant des mémoires d'enfant, il joue. Adolescent, se transformant en corps physique d'adulte, c'est le corps qui détermine s'il se réincarne. Se transformant en adulte, il réincarne de l'adulte. Les mémoires de l'adulte veulent extirper, rejeter l'enfant de là, et l'enfant ne se reconnaît pas, il est en crise. Adulte, enfant, et normalement, l'adulte gagne. Dans mon cas, l'adulte n'a pas gagné. Et dans le cas de certains adultes, l'enfant a gagné. Alors, on devient un enfant avec de l'expérience, et pas un adulte. On peut continuer à s'amuser. Quelqu'un dirait, mais là, moi, je suis fait, moi, j'ai réincarné de l'adulte total, donc, rien à voir. On réincarne 24 heures sur 24, commencez à avoir des stéréotypes d'enfant, et vous réincarnerez de l'enfance. Fais comme si tu l'auras, et un jour tu l'auras. C'était pas rien qu'un mot, c'était pas rien qu'une farce. effectivement, un jour, tu deviendras ce que tu fais semblant d'être parce que tu attireras des réincarnations particulières. Habillez-vous en pauvre, vous allez réincarner du pauvre. Habillez-vous un peu mieux, vous allez réincarner des mémoires qui sont à l'infinité avec. On parle souvent d'aristocratie planétaire. Ça fait partie de l'obligation de mémoire du monde de la mort de se réincarner dans ce qu'il y a de mieux chez les individus capables de supporter. La réincarnation se fait dans les égos, elle vient transformer l'ego. La réincarnation se fait dans les égos uniquement. Par contre, réincarner veut dire attirer des mémoires. C'est quand on dit « il est mort, mais il restera toujours vivant dans nos mémoires ». Une partie de l'individu est déjà réincarné dans les mémoires des vivants. Quand les personnes, à un moment donné, à la mort de René Lévesque, ont toutes senti un peu du nationalisme québécois renaître chez eux. René Lévesque s'est réincarné dans la population du Québec. Bon, voyez René. Et lorsque l'être humain attire des mémoires de réincarnation, il change sa vie, il change nécessairement l'avenir, il purge les choses. Mais ce que l'on doit savoir, c'est que plus nous attirons en haut des choses qui sont bénéfiques, plus en haut il reste les choses qui sont maléfiques. Les dieux commencent à se faire la guerre. L'humain qui est croyant commence à entrer en guerre sainte. La Deuxième Guerre mondiale est une guerre sainte. La Troisième Guerre, si elle a lieu, sera un djihad, une guerre sainte. Plus le bien augmente, plus à l'opposé le mal augmente, oui, nous évoluons en rejetant ce que nous ne pouvons pas digérer. Je récupère du bien, je rejette de l'antium, les antiums s'unissent, ramassent les plus faibles et créent des violences. Mais à un moment donné, l'humain sera capable de digérer son antium plutôt que de le rejeter. Alors, à un moment donné, vous réincarnez 24 heures sur 24, subitement un matin, vous vous levez, puis vous étiez toujours heureux ou heureuse depuis 2-3 mois, et ce matin-là, ça ne va pas. Vous venez de réincarner quelqu'un qui va bien avec votre corps physique puis qui vibre mal. Là, vous ne vous reconnaissez pas. Ça prend une journée, ça prend 2 heures, ça prend une semaine, puis là, vous l'avez digéré, vous revenez à vous. Régulièrement. Subitement, on se lève la nuit, mon père vient de mourir. Eh oui, comment ça fait que tu le sais? Il est venu me le dire. Il est venu se réincarner, une petite partie est venue se réincarner, c'est pour ça que tu le sais. L'horloge s'est arrêtée. Ben oui, il n'y a pas ça à travers l'horloge ensemble. Hein? Bon, ben ça, on n'en fait pas un cas. Mais on place l'horloge, puis on s'en fout. Ben, l'humain reste terrorisé par là, il canalise tout là. La réincarnation, c'est effectivement très fonctionnel, puis on peut jouer avec ça en crime pour arriver à améliorer notre sort. L'horloge arrête juste pour changer son attention. Bien, c'est ça. Pour que l'humain canalise tout ça là-dessus, puis qu'il ne voit pas le reste. Mais quand tu n'as plus d'ego, si un jour ça arrivait, ça va arriver. Tu ne pourrais pas te réincarner. Peut-être que tu ne pourrais plus recevoir de réincarnation. Mais non, c'est évident. Et nécessairement, tu deviendrais stérile. Aussi. Ben oui. Parce que tu allais te reproduire biologiquement et astralement. Ben, tu es immortel. C'est l'ego qui tue la cellule. Âme pure. Tu transcendes la mort. Oh, pour l'humain qui est habitué de mourir, il croit pas ça. Puis le crime est habitué de naître, puis il croit même pas qu'il vient au monde. Bon, c'est pas... Hein? Comment se débarrasse d'un ego? Il y a plusieurs techniques. Toutes compliquées. Est-ce qu'il y a une technique très facile de se débarrasser de son ego? Oh, il y en a ici là, qui ont essayé des techniques. Il y a-tu qu'il y en a à suggérer? Michel, t'as-tu déjà essayé des techniques spéciales? Oui, j'en ai une bonne. T'en as une bonne? Laquelle? Celle-là. Ça, c'est le corps physique, ça, c'est pas l'ego. Ouais, ben, effectivement, c'est une façon de... Débarrasse du corps physique, tu viens de débarrasser de l'ego aussi. Mais ça, c'est bien Michel. C'est beaucoup d'humains qui pensent comme ça qu'on se débarrasse des égos en tapant dedans. À coup de hache. Moi, je l'achète, mon ego. C'est un imbécile! Il se vend à rien. Alors, je lui suggère des choses, je carotise mon chemin, je m'amuse avec lui. Tu l'emmènes manger au McDonald's? Oui, c'est ça, je l'amène chez McDonald's. Pendant qu'il mange, là, je peux commencer à me conscientiser. Et puis, progressivement, je l'instruis. Comment on instruit son ego? En utopisant. Qu'est-ce que c'est qu'utopiser? C'est de créer des utopies. De s'amuser à créer chez soi des probabilités de futur possible qui nous plaisent. Et parce que l'ego va toujours dire « Ouais, mais ça c'est bien beau ça là, mais en attendant on ne l'a pas », on doit planter l'ego. L'ego n'est pas là pour vivre l'utopie. L'ego fait partie de l'âme. L'âme, c'est la seule chose chez l'être humain qui n'évolue pas. L'âme s'accumule de la mémoire, ça ramasse de l'information. Certains disent le Nazaréen est venu v'là 2000 ans, ça n'a rien changé. C'est ça, ça a changé plein de choses. Ça a ouvert le monde de la mort, et puis ce temps-là, l'intelligence mentale traverse. Donc, l'énergie christique, c'est la même chose, c'est le terme alchimique, c'est christique. Et l'être humain peut maintenant vivre de progressivement, se centrer sur son intelligence. Mais l'ego, l'âme, ça n'a pas changé. L'humain a continué à faire des guerres. On a eu les croisades, des guerres pour le Christ. Alors que si le Christ aurait été là, il aurait été en beau. En tout cas, bon, passons les mots. Mais n'empêche, l'être humain va grimper des choses. Est-ce qu'on peut se débarrasser d'un ego? On doit fondre l'ego. Plus on fond son ego, plus on crée un double éthérique. Le double éthérique, c'est ce qui engendre le corps de lumière. C'est ce qui a dissous le corps du Nazaréen dans le tombeau. Il n'est pas sorti. Il n'est plus là. Bon. Mais notre ego, lorsqu'on la négoïsation, c'est le processus même de fonte de l'ego. Comment on fait ça? Souriez. Ça se fait tout seul. Chialez. Vous vous énergisez. Vous vous égoïsez. La personne va dire, ah oui, mais là, je viens de chialer. Là, ça n'a pas d'allure. Regarde, je chiale encore. Là, je continue. Regarde encore. Ben oui. À un moment donné, c'est ça. Cessez d'être dans des synergies descendantes. Regardez-vous dans un miroir. Je le dis souvent, vous chiolez, prenez un miroir et regardez-vous. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par « c'est donc drôle ». Qu'est-ce qu'une peur et comment s'en débarrasser? La peur, c'est une friction. Entre quoi et quoi? Entre un désir et un désir anti-antagoniste. Ça ne répond? Partiellement. Bon, ben c'est ça quand on mange trop de sucre. Bon. Ça ramasse avec un partiel. C'est ça. Vous désirez être grand, vous désirez automatiquement ne pas être petit. L'être humain astralement ne fonctionne qu'à partir de bi-désir. Il n'y a aucun humain sur la planète qui a de l'ego, qui est capable d'avoir un désir. Ils ont tous des bi-désirs. C'est-à-dire que lorsqu'ils désirent une chose, automatiquement dans leur ego, ils désirent l'anti-antagoniste. Je désire être riche, je désire donc ne pas être pauvre. La friction dans le bi-désir est la peur. Vous désirez vivre, vous désirez donc ne pas mourir, vous aurez peur de la mort. Plus vous désirerez vivre, plus vous aurez peur de la mort. Plus vous désirez être riche, plus vous aurez peur de la pauvreté. Il me reste 500 000, là, je suis en train de les pauvres. Plus l'être humain désire une chose, plus il aura automatiquement peur de l'inverse. Une personne va dire, oui, mais moi, là, subitement, j'ai vu un fantôme dans ma chambre qui était en train de fouiller dans mes tiroirs. J'ai eu peur. Mais je désirais pas voir le fantôme. C'est ce que je viens de dire. Vous désirez ne pas en voir, vous désirez donc justement qu'il n'y en ait pas. Il y aura une peur. Notre ego désire puissamment, étant donné qu'il n'est que mémoriel et non pas évolutif, il n'a pas accès à un savoir instantané, étant donné qu'il n'est que mémoriel, tout ce qui échappe à ce qui l'habite, il en a peur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut désirer ces choses-là. Ne pouvant les désirer, il désire ne jamais les rencontrer. L'être humain qui dit « Oui, mais moi, je ne connais pas les extraterrestres et j'aimerais se rencontrer un extraterrestre. » Il désire certaines choses, il désire être sauvé, comme ceux qui veulent rencontrer Dieu. Ils veulent rencontrer Dieu parce qu'ils veulent. Il faut qu'on étudie tout ce qui se passe chez soi et on va découvrir qu'on aura nécessairement un désir anti-antagoniste quelque part. Celui qui veut rencontrer Dieu, il n'y a pas de problème. Il aura peur peut-être de ne pas le rencontrer avant sa mort. La peur, c'est une friction dans la psychologie uniquement basée sur le fait que l'être humain, par comparaison dans sa psychologie, donc par comparaison astrale, désire. Cessez de désirer, vous n'aurez plus peur. Il y a un chien qui vous attaque, vous n'aurez pas peur d'être mordu. Vous ne désirez pas ne pas être mordu. Vous n'aurez pas peur d'être tué, vous ne désirez pas vivre. Mais là, l'ego va dire, si je désire pas vivre, crime va mourir. Vous ne désirerez pas mourir. Ben c'est ça. Vous allez maintenant pouvoir vivre totalement libéré des désirs. Tu veux fuir la mort, tu veux fuir la mort, ne vis plus. Tu ne pourras pas mourir. La personne veut abandonner les souffrances, ne recherche plus le bonheur. On parle du bonheur psychologique. Je désire le bonheur. Vous voulez la liberté. Cessez de la chercher. Vous êtes pris par elle. Vous ne l'aurez jamais. Il y a plusieurs choses que l'humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de cesser d'être dans sa quête, puis commencer à se centrer sur lui-même, puis les choses vont commencer à s'exprimer. Du jour au lendemain, non, votre ego ne vous autorisera pas, votre ego ne croira pas. Alors, on doit le faire un petit laps de temps, puis subitement, bien, on découvre qu'on n'est pas si pire que ça. Vision de l'ego, qui est encore en train de nous récupérer. Il brise l'humilité et se nourrit. Il s'égoïse de votre réussite de négociation. C'est subtil. Mais ce qui est dangereux, à un moment donné, c'est que l'humain finit par se dire « Crime, c'est de plus en plus subtil, mais j'en sortirai jamais. » Voyez, non, avant, c'était aussi subtil, plus bien épais, tu ne le voyais pas. Maintenant que tu le vois, tu es réellement en train de t'en sortir. Combien de temps? Question niaiseuse, qu'est-ce qu'on en a à foutre du temps? Tout le temps que vous avez passé, là, il est où? À part peut-être dans une illusion quelque part. On n'a rien à faire du temps. Ça fait 14 milliards d'années que la création se promène sur elle-même. Le temps. Est-ce que l'utopisation n'amène pas l'annulation de ce qu'on utopise en l'ayant déjà sécrété? C'est quoi la différence entre sécréter et utopiser? Voilà. Quand on désire quelque chose, probablement que si le désir est suffisamment grave. Bon, qu'est-ce que c'est que sécréter pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Avez-vous peur? Non. Bon. Si votre cœur commence à accélérer, si vous commencez à transpirer, vous allez commencer à penser que vous avez peur, vous allez vous dire, écrire, voyons, qu'est-ce que j'ai à avoir peur? C'est ça. C'est que toutes les émotions doivent, pour être une émotion, être exprimées par le système endocrinien dans le corps physique. Sinon, il n'y a pas d'émotion. Alors, toute forme d'émotion est nécessairement endocrinienne, donc physiologique. C'est pourquoi l'humain qui, à un moment donné, a contact avec l'astral, le monde de la mort, il pense voir Dieu, le cœur accélère, le corps bouge, il croit. Mais l'humain qui a un contact supramental avec, non pas les orteils de Dieu, mais au minimum son mollet ou son genou, c'est déjà beaucoup plus haut, il ne vivra pas de sécrétion endocrinienne. Ça ne sera pas dans ses tripes. Alors, il ne pourra pas y faire confiance. L'humain fait confiance uniquement à ce qu'il vit émotivement, et c'est un gros danger. Quand on parle d'utopisation ou de sécrétion, si à un moment donné on désire gagner la loterie, imaginez que vous avez acheté un billet, puis on donne tous les premiers chiffres, là, c'est les vôtres, c'est le dernier qui détermine, on vous niaise pendant ce temps-là. Là. Mais pas le dernier, j'ai tout perdu. Bon, je n'avais 9 sur 10. Oui, tu avais 9 premiers, on n'a rien à foutre. Mais si tu avais 9 derniers, là, au moins, là, ça va à peine qu'on soit votre ami, vous avez gagné quelque chose. Alors, il va, 9, vous l'avez. 8, vous l'avez, vous en foutez, il n'y a rien qui se passe. 7, tabarnouche, hein, et je nettoie. Là, ça commence à bouger. 4, oh, un mot t'a dit, là, vous commencez à bouger. Quand il va en rester 5, là, puis le gars, il dit, et le dernier, là, vous pompez. Là, vous sécrétez. Celui qui se conscientise arrive à un moment donné dans une phase de l'évolution que j'appelle l'initiation solaire. Ou s'il sécrète là-dedans, son ego se nourrit déjà de l'expérience, alors il ne gagnera pas, il n'a pas besoin de l'expérience au niveau de la vie. Alors que chez l'animal humain, ou ceux qui vivent des lois de l'ère piscéenne, l'ère du poisson, souvent, s'ils sécrètent, ils se dirigeront vers. Ils ne le crieront pas, ils se dirigeront vers. Quand une personne rendue à un certain niveau d'évolution sécrète, elle détruit des avenirs possibles. Donc, j'expliquais à un moment donné dans un séminaire de sécréter à l'inverse. Sécréter sur ce que vous ne voulez pas. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous allez aller, par contre, dans la direction d'où vous voulez aller. Utopiser, c'est la capacité énergétiquement de bénéficier d'un phénomène. Alors, on ne le sécrète pas en réalité et on ne le détruit pas. La personne va sentir des picotes. Corps, ce n'est pas endocrinien, c'est énergétique, c'est le corps vital qui bouge. La personne sent quelque chose, bon, elle sentira certaines choses, ce sera vital, donc énergétique. Parce que c'est énergétique, peut-être qu'elle pourra triper là-dessus, commencer à le sécréter. C'est autre chose. Utopiser, ce n'est pas sécréter, c'est de vibrer. N'est-ce pas souvent les biens matériels qui gardent un couple ensemble, qui gardent la maison si on se sépare? Il faut la vendre, tous ces problèmes... Font-ils qu'un couple aime mieux vivre malheureux dans une belle maison qu'heureux seul et sans maison? Ça, ce sont des raisons que l'ego se donne, mais la raison réelle, c'est que ça fait tellement d'années que je vis avec la personne et que je vis dans le cadre de ma maison. Donc, la mémoire, ce que je vis là, est dans mon ego. Chaque fois que je rentre et que je vois le même décor, ça nourrit mon ego. Il y a donc une partie de moi-même qui doit vivre de ce décor. Si je me sépare, je perds la personne, même si je ne l'aime plus, mais je me sentirai seul. Il y aura un trou dans mon ego. Je perds la maison, le visuel de la maison, je perds... C'est pourquoi lorsque, par exemple, on perd quelque chose qu'on aime, un objet ou un animal ou un être humain, on souffre. Parce qu'il y a une partie de l'ego qui, maintenant, devra mourir. Elle ne pourra plus être alimentée mémoriellement par la vision de l'autre. Je garde sa photo, mais je me nourris un peu. Puis à un moment donné, ça s'en va. On dit que tu arranges les choses. Oui, c'est que la partie de l'ego qui s'en nourrit meurt parce qu'elle n'est plus nourrie. Alors, vu que vous rencontrez une fille ou un garçon, après 2 jours, il s'en va. Après 2 ans, vous êtes avec, il s'en va. C'est pas mal plus souffrant parce que il vous habite. Donc, la partie qui habite devra mourir. C'est uniquement pourquoi les égos ont de la difficulté à se lâcher. On devrait se lâcher par raison intelligente. Si on se dit, ben maintenant, on s'entend plus, fait qu'on se sépare, c'est une raison intelligente. Mais l'humain, n'étant pas suffisamment dans son intelligence, devra attendre de se détester. Là, ils devront se lâcher par haine. Alors qu'ils auront perdu 2, 3, 4, 5 ans, énormément d'énergie, puis ils devront continuer à se détester. Pourquoi tu n'es plus avec elle? Pourquoi tu n'es plus avec lui? Ah, à cause que... Oui, il faut bien qu'on se donne des raisons, parce qu'on ne sera pas capable de supporter la réalité. Ben, c'est parce que j'ai pu à vivre avec. Ce serait plus simple. Puis on se voit souvent. Ben oui, c'est aucun problème. Mais normalement, l'animal humain, entre autres, quand je parle d'animal humain, je parle de toute la partie mémorielle qui fait que l'humain agit comme les animaux. Mais cette partie-là, elle va s'arranger pour détester parce qu'elle ne pourra pas supporter la réalité lucide qui fait que, ben, c'est peut-être le temps qu'on se parle. Quand je suis parti de chez moi, j'avais 18 ans. Ma mère m'a répété pendant presque un an, « Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pas bien à la maison! » Elle m'avait rien fait. « Pourquoi tu t'en vas? » Parce que je m'en vais. Puis c'était difficile à comprendre. J'aurais pu trouver plein d'affaires. Ah, c'est à cause que la maison, tu fais ça. Mais non. J'étais pire où j'étais qu'à la maison, c'est vrai. Théoriquement. Mais j'étais bien mieux. Parce que j'étais chez moi. Est-ce l'homme qui se branche à un canal d'énergie supramentale ou bien est-ce que le canal. Est-ce le canal qui se branche à l'homme? Les deux. L'homme, il se branche, il n'y a rien, il ne se branche pas. L'intelligence descend, il personne à l'écoute, elle ne se branche pas non plus. Puis quand les deux, c'est le temps, quand c'est le temps, les choses s'accomplissent et tout se fait. Donc, moi, je ne me dis pas, mon tiens, je vais me brancher. Mais maintenant, je n'ai rien qu'à parler, je suis branché. Mais non. Faites confiance à ce que vous êtes. Oui, mais il n'y a rien. Un instant. L'être humain, tous les êtres humains qui ont de la pensée ont un ajusteur de pensée. Donc, vous êtes branché à votre intelligence. La problématique, c'est que vous ne vous en servez pas en majorité parce que vous n'y faites pas confiance. Faire confiance à son intelligence, ça veut dire faire confiance à du neuf. Et on fait confiance au traditionnel, à du vieux. Ça ne veut pas dire que le vieux n'est pas bon. Ce qui est important de comprendre, c'est pas que le vieux n'est pas bon, c'est que le vieux n'est pas bon. Parce que c'est vieux, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la chose. Je dis par exemple, oui, mais on doit préserver la vie. Pourquoi? Bien, parce que c'est écrit dans la Bible. On doit préserver la vie. Pourquoi? Parce que c'est intelligent de préserver la vie. La personne qui ne croit qu'à partir du fait que c'est vieux ne comprendra jamais ce qu'on devrait rajouter à ce qui n'a pas été mis dans le vieux parce que le vieux n'était pas capable à l'époque de le supporter. Lorsqu'on parle de contact supramental, on est en contact. Et dans les séminaires, j'explique souvent aux personnes, vous ouvrez un robinet d'eau chaude. Vous pouvez placer votre bras en dessous. Qu'est-ce qui coule? De l'eau froide. Alors vous dites, ça marche pas. Coupez ça. Puis là, vous baignez dans votre bain. Hein? Le bain est tiède. T'sais? Le bain est température de la pièce. C'est bien plus chaud. Là, vous dites, il faudrait que je le réchauffe. Vous ouvrez encore le robinet d'eau chaude, placez la main. C'est encore de l'eau froide. D'ailleurs, on niaise. Vous éteignez ça. Oui, mais c'est parce que le tuyau, ça coule tellement pas l'eau chaude que l'eau dans le tuyau, elle est froide. Alors, on doit l'ouvrir, puis c'est froid, puis c'est froid, puis c'est froid, puis c'est froid. Puis à un moment donné, ça commence à être tiède. Puis progressivement, ça devient chaud. Il faut se rendre jusque-là. Mais l'humain, son ego fait qu'il n'a pas confiance suffisamment à son intuition. Oui, mais pendant ce temps-là, gèle. Oui, vous allez faire des erreurs. méfiez-vous à vous. L'homme doit être son seul maître, en ce sens qu'il ne doit pas continuellement dépendre d'autrui. Quand, par exemple, à un moment donné, il y a des personnes avec qui je suis, qui sont mes amis, et on jase. On dépend l'un de l'autre, pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on profite l'un de l'autre pour créer une synergie. Mais notre union est limitée. Elle n'est pas illimitée comme souvent l'humain la prétend. Une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation, sauf s'il y a fusion. Mais on travaille ensemble, on se synergise quand c'est fini. Il n'y a personne qui doit rien à l'autre, c'est fini. C'est fini. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, puis maintenant je tourne à gauche, je suis allé à droite, il n'y a aucun problème. On avait un contrat pour 2 ans, c'est fini là après ça. Oui, mais là, non. Le contact supramental, le contact avec l'Esprit Saint, l'Esprit pur, le contact avec l'intelligence active, ça se fait, l'humain est en contact avec un ajusteur de pensée. Il doit le développer. Alors, à un moment donné, il y aura un ajustement dans sa parole, un ajustement dans sa tête. Et maudit qu'est imbécile. Ben, c'est toi l'imbécile de dire qu'est imbécile. Il n'est pas imbécile, c'est comme ça. Il y a un ajusteur qui fonctionne. Et progressivement, eh bien, on finit par, dans la parole, être capable de s'enseigner. On ne s'enseigne pas, on est en contact avec un réservoir qui est beaucoup plus gros que celui auquel on est habitué. Et c'est de l'intelligence supramentale. Donc, on se branche. À un moment donné, l'intelligence, comme je dis souvent, Dieu descend pour parler à un chien, mais rendu au niveau du chien, Dieu y va. Alors, l'humain, quand Dieu arrête au niveau de l'homme, il parle au niveau de l'homme pour que l'homme le comprenne. Sinon, il lui dit, puis l'homme ne fait rien avec ça. L'homme, il sait, mais il ne veut pas savoir. Bon, il n'est pas assez puissant. Quand c'est puissant, c'est rendu au niveau de l'homme, fait que tous les deux ensemble, on mange des cochonneries. À un moment donné, par la vie, l'humain monte, puis subitement, ce qui commence à être arrêté par l'homme est plus clair. L'intelligence descend, le temps après l'homme. L'homme monte, le temps après l'intelligence. L'intelligence est plus subtile aussi. Ça fait pas sécréter, ça fait pas pomper le cœur, ça fait pas. Ça fait rien. C'est comme si on venait encore d'imaginer des trucs qui n'ont pas de. Oui, ben c'est ça. Une personne qui imagine, là, puis que le cœur, il pompe, il croit en maudit son imagination. Parce que c'est tripale. Ça provient du système endocrinien. Mais il ne faut pas faire confiance uniquement à ce qui provient de l'animal. C'est pas le corps physique qui va recevoir l'intelligence. Hein? C'est le corps mental minimum. C'est l'homme, c'est la femme qui reçoit l'intelligence, pas le corps physique. Quelles sont les différentes techniques pour faire face à des phénomènes astro-agressifs? Le kung-fu. Tu es comme fou. Confucius ou confusion, mais... Riez, amusez-vous. Pourquoi être violent? Vous voulez être agressif? Observez-vous dans un miroir. Observez-vous simplement. Mais là, la personne, c'est pas elle qui est agressive. Ah. C'est les autres qui sont agressifs. C'est des phénomènes astro-agressifs. Fait coucher par avoir des bébites agressives. Mais qu'elle lâche un gros pet! Ça fonctionne toujours. Là, tu vas dire, ouais, mais là, moi, je suis pas dans un état de lâcher un pet. Pas le temps de passer à ça, là. Riez, ils sont pissous. Ils sont laids uniquement parce qu'on leur permet de prendre chez nous ce qui est laid pour pouvoir se densifier. Ben, si vous riez, il y a des choses qui vont changer. Est-ce que ça veut dire que si dans la personne il n'y a plus rien de laid, elle n'aurait plus ces phénomènes-là? Ben, c'est évident. Tu devrais voir moi comment c'est beau ce qui vient chez moi. Ça doit, oui. Mais ça vient pas chez moi. Ça vient, en tout cas, pas chez moi. Quels sont les différents moyens qu'une personne peut prendre pour se défendre? Donc, elle n'a pas à se défendre. Prenons un exemple bien banal, facile et qui fonctionne bien. Vous allez simplement allumer un bâton d'encens dans votre pièce et le bois de santal, entre autres, qui est assez neutre. Et puis, l'encens, ça sert à quoi? À part en sentir bon ou en sentir mauvais. C'est que ça augmente le taux vibratoire de l'atmosphère, donc de l'air. Augmentant le taux vibratoire, bien, ce qui est trop bas ne peut pas rester dedans. Hein? Aller dans les églises, on avait de l'encens, c'est pas pour rien, c'est pour faire fuir les conneries chez l'humain. Quel que soit le temple dans lequel on allait, dans les maisons, c'est la même chose. Ça pollue un peu, oui, je sais, c'est comme la cigarette, bon, on en respire, ça pollue, c'est vrai. Mais entre deux mots, on choisit le moindre. Alors, mais l'encens, c'est une façon facile. Puis progressivement, bien, souriez, amusez-vous dans la vie, il y a une vision du monde intéressante, utopisez, négociez-vous, fusionner, spermatalisez-vous, deutérisez-vous. Bon, ben, il y en a plein. C'est comme quand on bâtit une bâtisse. Vous savez le nombre de briques qu'il faut pour bâtir un hôtel comme ici? Et le gars là qui avait ses briques, là, ça y aurait tout livré d'un coup, là, puis il aurait dit, regarde, tu vois, il aurait démissionné. Mais on met une brique à la fois, qu'un peu de ciment, une autre brique, puis une autre brique, une autre brique, puis maintenant on a fini. 25 étages, ou la place de Marie, ou ce qu'on voudra. C'est facile à construire si on construit ça au rythme qu'on peut construire. Fait qu'on s'amuse, puis à un moment donné, on n'aura plus besoin de mettre dans ça. Quand on pète, on sentira dans ça. On aura assez respiré. Dernière question à ce sujet-là. Peut-on passer à l'attaque et de quelle façon? Avec une colère mentale, sauf que là, je peux pas répondre comme ça ici. Ça prend normalement une journée complète à expliquer c'est quoi une colère mentale. Pour que l'individu qui fait une colère mentale, il va faire un trou dans l'astral autour de lui, on va le laisser en paix un peu. Mais maintenant qu'il a fait une colère mentale, il est repéré dans l'astral plus précisément que la collectivité. Et donc, je peux pas répondre juste comme ça. Mais comprenez qu'à un moment donné, vous êtes en beau maudit, faites une grosse crise, puis on dirait que vous êtes en paix, on vous lâche un peu une journée ou deux ou trois. Progressivement, ça revient. Quand on fait une colère comme ça, elle est émotive, mais c'est similaire à une colère mentale. Mais l'astral ne lâche pas. Une vraie colère mentale, ça développe l'autorité mentale dans l'astral, et à un moment donné, on est capable d'ordonner. J'expliquais, par exemple, comme le Nazaréen. Bon. Et c'est le nom qu'il lui-même aimait donner. Hein? Jésus-Christ, c'était Jésus l'enfant, fusionné à l'intelligence supramentale, Christ. Quand certains parlent du Christ, ils parlent de la connexion au niveau de l'intelligence supramentale. Quand les gens parlent de Jésus, ils parlent de l'humain. Et là, ils le font souffrir. Le Christ n'a pas souffert, Jésus peut-être. Jésus-Christ, alliance entre les deux. Mais le Nazaréen, c'était le nom que se donnait lui, parce qu'il faisait partie, de naissance de la secte des Nazaréens. Nazareth étant été baptisé ainsi 300 ans après. Et le Nazaréen lui-même, il a expliqué comment prier. Notre Père qui est aux cieux. On dit souvent les cieux, c'est parce que dans l'Antiquité, ils pensaient qu'il y a plusieurs ciels. Pas là. Les cieux, c'est au-delà du ciel. Phénomène supramental. Dans le ciel, on aura les dieux. Mon Père dans le ciel. Mon Père dans les cieux. Il y a une nuance chez le Nazaréen au fur et à mesure qu'il vieillit. Parce qu'il grimpe, il transcende. Alors, il finit sa prière en disant « Amen ». Je le dis souvent « Amen », ça veut dire « Amen ».« Amen » veut dire « Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi », c'est un ordre. Et on n'en parle pas trop, c'est laissé comme ça dans l'occulte et dans l'ésotérisme du message. Mais « Ainsi soit-il », c'est un ordre. Mais on doit développer une autorité mentale dans l'astral et par la suite, on ordonne aux choses. Et, à un moment donné, on doit faire attention dans ce que l'on ordonne, parce que, égoïquement, on aurait tendance à vouloir ordonner à toutes les niaiseries qui viennent manipuler les individus. Et là, on leur ôte la possibilité de devenir leur seul maître. Ils deviennent nos disciples. Et on ne doit pas faire ça. Karmiquement, c'est problématique, parce qu'on va se ramasser avec des têteux et des têteuses. Donc, on ne le fait pas. Mais l'humain qui aurait suffisamment d'égo pour commencer à vouloir aller travailler l'astral des autres, a trop d'ego pour être capable d'avoir d'autorité mentale. Donc, c'est réglé. Mais la colère mentale, c'est ce qui va faire la chose. Mais je reviens encore, la plus belle chose à faire, qui est moins souffrante, qui est moins problématique, qui est, vous savez, le meilleur des guerriers supramental, c'est celui qui n'a pas à se battre parce que personne n'ose l'attaquer. Bon. Alors, c'est ça qu'on doit développer. Et non pas le guerrier qui se sort, vainqueur de ses combats. Lui, il a à se battre. Initiation lunaire, c'est méritoire. Moi, je parle d'initiation solaire, c'est pas méritoire. Mais c'est rien passé. Alors, on évolue, amusez-vous, souriez, puis progressivement, les conneries vont finir par s'en aller. Mais de l'encens, c'est déjà très intéressant. C'est moins méritoire. Tu sais, t'allumes de l'encens, tu mets ça là, puis t'envoies moins. T'aurais préféré leur donner une claque en pleine face. C'est justement ce qui, chez vous, aurait préféré, qui fait, qui sont si laids. Est-ce que un coup cette partie d'ego-là disparue ou dissoute, le phénomène arrêterait? Ça, c'est évident. Sauf que ça peut disparaître uniquement parce que, à un moment donné, on leur parle, que bon, les dons ont été dans une autre place. Là, on dit, ouais, mais les autres personnes, ben, chacun s'arrange avec ses affaires. Bon, allez dans la chambre à côté. L'autre, il bête pas comme moi. Allez faire part de ma femme un peu. Ben, c'est ça, oui. Mais on doit simplement, on peut parler, ça fonctionne. Et pas dans le genre. Je te conte l'histoire d'un bonhomme que j'ai connu qui voyait toujours une main dans sa chambre. Et puis, à un moment donné, en plein milieu de la nuit, il s'était couché avec son gros 12. L'entité qui venait. Il m'a tiré dessus. Puis, à un moment donné, il se réveille, puis il voit la main en haut, au pied de son lit, la main qui flottait. Il prend son 12. Flow! Depuis ce temps-là, il y a un pied en moins. C'est pour ça qu'avant de prendre des procédures samouraïs, mets de l'encens. Attache-toi. Mieux de prendre des précautions plutôt que des procédures. Mais il y a des choses qu'on doit faire. Les gens, par exemple, qui. Vous savez, qu'est-ce que c'est? La personne, elle vient pour rentrer chez elle. Il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont comme ça, mais quand même. Là, elle vient pour rentrer, elle ouvre la porte de sa chambre, puis elle fait un œil. Puis là, elle éteint la lumière, puis là, ben là, deux, trois bons, elle saute dans le lit. C'est un peu qu'un monstre en train de faire en dessous. Puis là, le pied ne dépasse pas trop du lit ou la main, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut, un mur qui descend, qui t'attranche, ou une affaire qui t'accroche, tu sais, c'est bon. Puis là, la porte du garde-robe, t'es à ferme, parce que sinon, c'est un trou noir, puis un trou noir, on sait ce qui sort là-dedans, c'est bon. Imaginez, vous allez dormir, torpino, je n'allais pas là pour faire du drame. Alors, l'humain, ce qu'il doit faire, puis c'est que là, il se couche jusqu'au cou, pour ça, il s'étrangle, puis ça va dans sa tête. On rentre dans son cocon, on ne doit pas faire ça. Vous savez, il y a des. Ouvrez-en. Et là, si vous amenez du yin, le yin s'en va. Le yin, c'est extrêmement tellurique. L'enfer, ça part du centre de la Terre, hein, c'est les mémoires de la création de la planète Terre, donc on voit juste du feu. Et ça vient jusqu'à quelques pieds au-dessus. Mais le yin, c'est ce qui fait peur à l'humain. Ça le dit, ça le rend, ça le terrestrifie. Le yang, ça fait fuir le yin. Quelqu'un qui allume la lumière, mais il n'y a plus rien. C'est du yang. Bon. Mais on doit simplement nous rayonner suffisamment de yang. Mais si la personne entre. Pas pour s'éclairer, on dormira plus, mais pas que le La personne se couche dans un état totalement relax, comme tu le décris là. Elle décède dans. Elle n'en peut plus, elle panique, elle enlève les couvertures qui la protègent, puis elle laisse quand même les lumières fermées. Elle va-tu survivre? Ah, pour survivre, elle va survivre. Mais c'est sûr que ça, les autres, puis elle crie, elle est mieux de la lumière. Non, mais comme dans le truc de l'encens, tantôt, tu disais l'encens, c'est pas méritoire. Tu allumes l'encens, puis tu as la paix. Est-ce qu'il y a des trucs ou des facilités semblables? Pour l'obscurité, pour les craintes de l'énergie. Ben, l'encens, ça va déjà aider. La personne, elle n'a qu'à chanter. Vous voyez des trucs dans le genre, puis commencez à chanter. Quel genre de chanson? Faites juste des vocalises, ça va fonctionner. C'est évident qu'à un moment donné, quelqu'un qui a un égo bien masochiste, il va dire, et quand je fais « Oh! » Ça s'en va, mais quand j'arrête, ça revient. Fait que là, je ne peux pas s'annuler faire « Oh! » C'est bon. Il y a des égos masochistes. À un moment donné, vous devez vous instruire. Peut-être de là qu'on a commencé à ronfler. Je sais pas, moi, je ronfle pas. Mais regardez ceci. Quand vous les voyez pas, ils sont là. De plein ici, de plein. C'est pas parce qu'on les voit subitement qu'ils... Bon, c'est là. Les personnes qui vont camper dans le bois disent « Ouais, mais d'un coup, il y a un ours dans le bois. » Il y en a bien plus qu'un. S'il vient de voir, puis il vient de sentir, puis tout ça, ben là, lâche un pet, il va s'en aller. C'est mieux d'aller camper au Sheraton, il est moins douce. Ça dépend. Il y a des entités astrales, une autre. Hein. Alors là, la personne, ce qu'elle doit faire simplement, c'est leur parler, les mettre dehors, s'amuser, rire, et ça va s'en aller. Pourquoi une entité astrale, ça ne peut pas être aussi puissant qu'un être humain? Parce que l'entité astrale n'a pas de corps physique, donc il n'a pas suffisamment d'énergie vitale pour être capable de malléabiliser son monde. Nous pouvons malléabiliser son monde. Quand, par exemple, prends les apparitions de la Vierge, prenons l'exemple de... Bon, il y a eu plusieurs Vierges qui ont apparu, parce qu'au niveau des égrégores, ça crée différentes ectopicités. À Notre-Dame de Fatima, c'est pas Notre-Dame de Lourdes, c'est pas Notre-Dame qu'on a au Mexique. Bon, quand la Vierge, elle apparaît, Elle apparaît devant des enfants. Elle apparaît devant des corps physiques qui ont plein d'énergie vitale. Les adultes en manquent, donc elles ne pourront pas se densifier. Elles puisent leur énergie, et là, elle apparaît. Mais souvent, sur 3, 4, 5, 6, 7 enfants, la majorité vont mourir en bas âge. Pourquoi? Parce qu'elle leur a volé leur vie. Elle les a trop drainés pour apparaître. Il y en a un ou deux qui pourra survivre, mais qui sera manipulé toute sa vie à nourrir encore. Qu'est-ce qu'une Vierge dit? C'est « Repentez-vous, venez ici, boxez un hôtel et venez prier. » Elle veut se nourrir. Mais, comme par exemple à Fatima, il y a eu une des apparitions où le cœur était à l'extérieur de la Vierge, etc. Et spirituellement, tu peux dire, regarde, elle lui montre le cœur pour aimer. Le cœur, ça pompe du sang, c'est tout. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il manquait déjà d'énergie. L'entité n'a pas pu se former convenablement. Elle pouvait aussi bien avoir les intestins à l'extérieur. Puis on aurait dit, regarde, il faut digérer le message de Dieu. T'sais, on aurait ajusté. Bon. Ça prend de l'énergie vitale. L'individu qui lutte contre un phénomène astral, un exorciseur, il est capable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait venir de l'énergie d'un égrégore. Si c'est bouddhique, ce sera Bouddha. Si c'est catholique, ce sera comme il appellera Dieu. Il a besoin d'un habit particulier qu'il protège aussi de l'entité qu'il possède. Il aura besoin de symboles qui font partie de l'orifice de la tradition. La tradition reconnaîtra l'exorciseur s'il a les objets du culte. Il aura les paroles particulières qui amènent l'énergie. Et là, il devra ordonner. Mais normalement, on devra trouver le nom de la forme. Et trouvant le nom, on a la clé. Et on a même une liste de démons qui peuvent posséder l'humain. Mais le Nazaréen, il est rentré quelque part, puis il donnait un mot. C'était le nom de la forme de la partie mémorielle qu'il possédait. Alors il disait, va-t'en, la chose devait s'en aller. Bon, on doit ordonner. Et les forces les plus puissantes dans le monde de la mort, donc même dans les forces soit sataniennes, ne peuvent lutter contre l'homme. Mais, sauf si la femme a peur. S'il a peur, automatiquement, il donne toutes ses énergies. Alors, nécessairement, ça devient un problème. Il aide la forme à apparaître. On doit s'amuser. Bon, on gagne une énergie en s'amusant. Mais là, vous dites, oui, mais là, j'ai peur, j'ai bien pris, allume la lumière. Mais on doit se programmer l'ego progressivement, auto-hypnose, donc on se parle pour finalement arriver à avoir la paix. Si ces craintes-là sont dans le rêve, est-ce que ça fait la même chose? C'est la même chose, dans le rêve, on se fait violer notre conscience. Mais dans le rêve, on est mal pris. Mais à un moment donné, la personne qui apprend à contrôler un peu son humeur émotive, c'est-à-dire qu'il devient son seul maître, quand quelqu'un lui dit « t'es bien laid », ah ben c'est, j'en fous, on leur fout du coup, pour commencer à crier. Bon, la personne qui contrôle ces agressions astrales-là, progressivement dans le rêve, elle va aussi subitement se dire, écoute bien, le monstre, là, t'es tout petit, tiens, puis je l'écrase, fini. Comme ça, elle va commencer à contrôler son rêve. Elle va commencer à s'amuser. C'est un voyage astral, le rêve. Elle va commencer à s'amuser. Elle va commencer à voyager là où c'est plaisant. Ça devient des rêves conscients? Oui, moi, je me suis rappelé dans un de mes rêves que j'avais déjà rêvé ce rêve-là, ce qui fait que j'en ai changé la sortie. Il y avait deux portes où je devais rentrer. Je me rappelais que quand je l'avais rêvé, j'étais rentré là, puis j'étais mort. Fait que là, je suis rentré à l'autre porte. Puis je suis sorti. C'était quoi? Ben, j'avais déjà rêvé. Hey, on m'a deux fois à même place. Quand même. J'apprends pas vite, mais j'apprends. Puis, à un moment donné, ben, on peut faire un rêve qu'on prépare. Je sais pas, un pré-rêve. Et on rêve avant de s'endormir, ce qui fait qu'on s'en va là-dedans. Puis le lendemain, ben, tu recontinues à la même place. Puis pendant... Moi, ça me dure souvent... Je dirais quelques mois avant que j'ai plus rien rêvé là. Est-ce que le rêve détruit aussi les futurs possibles de même façon que la... Non, le rêve, c'est uniquement une partie astrale. Le rêve, c'est simplement un endroit où l'ego va se reposer puis communique avec le corps physique. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a des activités cérébrales. C'est quand le rêve communique avec le corps pour le faire bouger en même temps. C'est-à-dire que l'âme vient rebouger le corps physique parce que le mental de l'humain n'est pas suffisamment puissant. Je prends un exemple. Je donnais à un moment donné un cours où j'explique aux gens comment paradisier leur corps vital, paradisier leur corps physique, paradisier leur corps psychologique, donc leur âme, pour avoir un mental pur. Une fois que cela est fait, ils sont bien, bien, bien. Et là, je leur dis, regarde, je vais te donner une claque en plein visage, bloque-la. La personne, elle est bien. Je fais, paf! Elle n'est plus bien. Mais elle n'a pas bloqué. Pourquoi? Parce que nous ne sommes tellement pas habitués d'avoir de l'intelligence qui contrôle le corps physique qu'on n'est pas efficace sur la Terre si on est trop divin. Alors, immédiatement qu'il arrive un problème, l'ego doit revenir pour nous sauver. Lui contrôle bien. Et on devra donc, lentement, développer cette faculté de rester pacifique tout en restant efficace. Mais on ne l'aura pas au départ. Il ne faut donc pas se débarrasser de l'ego parce qu'on va mourir. Oui, il faut se débarrasser de l'ego. Mais le temps que ça va te prendre, ça va le temps de faire le reste. Il n'y a aucun problème. Un ego ne partira pas comme ça. Quand la personne va réussir à se débarrasser de son ego, va avoir réussi à exprimer de l'intelligence et puis à faire réagir le corps physique avec l'intelligence? Avec ce qu'elle va vouloir, donc elle pourra recommencer le processus de rajeunissement, elle ne vieillira pas, elle ne sera pas malade. Et il y a plusieurs autres choses que ça ne se dit pas parce qu'il y a trop d'égos qui ne peuvent pas croire ces choses-là. Les égos peuvent faire croire que quand tu mets une graine dentaire, qu'il y a un arbre qui pousse, alors que ça ne se peut pas. Bon, ils peuvent faire croire ça, quand ça va. Mais on doit... Tu sais, juste le fait d'être là, franchement, c'est déjà, expliquez-moi pas ça, parce que vous allez voir que ça scientifiquement, là. Bon, alors, l'humain doit simplement commencer à s'amuser, à croire, pas à croire, mais à autoriser chez lui que des choses puissent apparaître, et progressivement, ben l'humain qui s'en égoïse va finalement découvrir qu'il aura une bilocation de conscience. À un moment donné, il comprendra des choses que l'humain ne comprend pas. Il expliquera la tradition comme la tradition n'a jamais été expliquée. Pourquoi? Parce qu'il ne l'explique pas, il la parfait, il la finalise, il l'avance. Où il prend tout ça? Là où ça se trouve, puis à un moment donné, il finit par s'habituer. L'ego s'habitue à ça, fait qu'il finit par arrêter de crier. Et puis, progressivement, le chemin s'en va vers le dobétérique, donc, ce qui fait que l'ego fond, puis l'individu devient peur. Puis il fait peur à tout le monde dans l'astral. Mais entre les deux, entre le moment où ce processus-là arrive, et puis le moment où on a un ego qui est très fonctionnel, entre les deux, est-ce qu'il y a une période où le corps physique réagit aux deux? C'est-à-dire qu'on doit développer des mémoires d'intervention. D'où l'intelligence, de temps en temps, d'avoir certaines formes d'entraînement. Mémoire d'intervention veut dire quoi? C'est une structure mentale qu'on place dans la mémoire de l'âme, donc dans la mémoire astrale, qui peut même constituer une partie de l'ego. Cette mémoire d'intervention ne s'en ira pas, par contre, pourquoi? Parce qu'elle est continuellement nourrie par le mental, par l'entraînement, exemple. Et le reste va fondre. Ce qui fait que, je prends un exemple d'un médecin qui arrive chez... On rentre un patient, c'est sa femme ou son mari ou ses enfants, il n'est plus capable de rien faire. Pourquoi? Il est fait à l'os, ils vont mourir. Par contre, s'il entre dans une mémoire d'intervention, là, automatiquement, il ressemble à un mouché, tu sais, il recommence. Ben, c'est ça, c'est une mémoire d'intervention qui préserve l'intégrité de son ego, sinon, psychologiquement, il ne pourrait pas vivre. Il n'est pas assez libéré de son astral, il n'est pas assez centré dans son intelligence pour être capable de dire, tiens, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma femme, c'est mon mari, et puis je vais la sauver. Quelqu'un dirait, ouais, mais si tu n'es pas capable, ben, je vais aller à ses funérailles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Hey, t'as pas de cœur! Oui, mais placé à la bonne place. Je vais les aimer, quel que soit le phénomène temporel. Moi, c'est pas le corps physique que j'aimais, ça n'a rien à voir. Bon, puis on continue. Mais... Ça a l'air robotique, ça. Ben oui, ça a l'air robotique, tu sais. Ah! Ça, c'est pas robotique, c'est programmé, tu sais. Bon, on t'amène quelqu'un de la famille qui est blessé, ben tu souffres, ça, c'est pas robotique, ça. C'est correct, ça. Hey, on a même des livres sur la psychologie de l'humain, sur le burn-out, sur le stress. Tout est programmé, tout est prévisible chez l'humain. Mais c'est pas robotique, c'est humain. Il n'y a rien de plus robotique que l'humain. Bon, l'intelligence supramentale, l'intelligence instantanée, elle donne... Tu sais, l'humain, là, c'est comme s'il avait accès en termes de comportement à gros de même. Bon, l'intelligence instantanée te donne le reste. Puis on dit ça, c'est robotique. Pourquoi c'est robotique? Tu meurs. Ça te dérange pas. Mais qu'est-ce que je te dis? Je meurs. Je peux pas mourir de mort. Bon. Il y a un chien qui va t'attaquer. Ben oui. Hey, il t'a mordu. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Soigner la plaie? Une chose à la fois. L'humain, là, tu prends un arc, tu mouilles la flèche dans du cureur, puis tu tires la flèche, paf, sur lui. Est-ce qu'il va chercher à être soigné ou s'il va chercher le maudit qui a lancé la flèche? Ben, les humains, ils vont chercher le coupable. Tu sais, on se venge, on va avant de... Voyons, donc, monte un peu, tu sais, rien à foutre. Bon, alors, il y a tellement de... La vie, c'est autre chose que ce que l'humain a fait. C'est pour ça qu'avoir une vision neuve de la vie, c'est en développer une. Ceux qui venaient ici pensaient qu'on était pour leur donner la vision neuve. Voyons, non, pas le sexe ici. On ne peut pas vous donner de vision neuve. On parle de mécanique. Amusons-nous ensemble. Puis après ça, chacun va aller chercher les trames qui vont avec. Ce qui, dans ce que je dis, va, c'est parce que déjà, ça allait. Bon, je vous le rappelle. Est-ce qu'une vision neuve, ça peut être partagé ou chacun en a une à lui? Chacun en une à lui. Mais elle peut être comme, pareil. Par exemple, de façon planétaire, on peut dire on veut arrêter la pollution, on veut être plus écologique, tout ça. Il y a plusieurs enfants ou plusieurs adultes, des phénomènes de conscientisation par rapport à ça. Non, une vision du monde n'inclut pas qu'on veut arrêter de polluer. Une vision du monde est une vision d'un monde non pollué. OK? Bon. Maintenant, intelligemment, on devra maintenant s'apprêter à dépolluer. Pourquoi? Pour aller vers notre vision du monde. Non! Parce que c'est intelligent de cesser de polluer. OK? La vision du monde s'adresse à l'ego pour lui permettre que lui puisse finalement adopter une croyance, une foi. L'ego, ça ne peut que croire. Que le mental, l'intelligence chez toi va t'amener quelque part. Maintenant, lui, s'il dit, ouais, mais là, on devrait appliquer. Il voudra changer l'humanité, il va être frustré. Non! Toi, là, vis-là tout de suite, OK? Puis laisse-moi gérer mon monde et ma vie. Bon. Alors, je commence à parler de dépollution. Mais ça va peut-être prendre 200-300 ans. Ça n'a pas d'allure. Oui, parce que je vais être là aussi dans 200-300 ans. Bon, alors, je commence immédiatement. Et qu'est-ce qui dit que tu vas être là? Même si je suis pas là, c'est intelligent de ne pas polluer. C'est simple. Tu parles au CAF, là, au corps, à l'astral, au vital, pas à l'ego, tu sais, au CAF. C'est ça, je te dis. Fait que c'est moi, je suis l'intelligence. Fait que t'en veux-tu des raisons, t'en donnes le temps que tu voudras. On peut partager une même vision. On la partage et pas, en ayant une, mais individuelle. Est individuelle, mais multipliée. Sauf qu'on ne peut pas, oui, on ne peut pas vouloir appliquer la vision. C'est ça qui est important. C'est là que tu sécrètes dans le mauvais sens. Ça fonctionnera peut-être pas comme tu voulais. Ceux qui ont fait la cité écologique du Verseau, toutes les communes, il y avait des visions géniales, ils ont voulu appliquer les visions, mais qui laverait les chiottes, la chicane pognait toujours là. Bon, ben, ça l'a fait. La différence entre la vision et la réalité. C'est ça. Les problèmes emmerdants revenaient, puis... Alors, en attendant la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Amusez-vous! Visionnez!